Numéro 33. Le dessert. Desserto. La glace. Ice cream. Le gâteau. Cake. Le fruit. Kudamono. Fruit. La pomme. Ringo. L'orange. Orange. La poire. Yonashi. La fraise. Ichigo. La banane. Banana. L'ananas. Pineapple. Le citron. Lemon. Le melon. Melon. La pastèque. Suika. Le raisin. Budou.